sleep. Bonsoir. Je m'en vais, je n'ai pas le droit de te serrer comme il se doit. Je t'aime et j'ai trop de peine, même si je dois te parler, même si nos phrases sont vaines, elle est en moi. La peine que le temps emmène, la peine que le vent entraîne, je t'aime encore. Je m'en vais, je n'ai pas le droit de te serrer. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Jusqu'au soir, je revois ton visage. dans les nuages. L'orange, le fruit rouge, tout me rappelle à toi. Tout me rappelle à toi. Quelques minutes de retard, déjà tu passes sans me voir. Nous nous verrons sans âge, un jour, dans les nuages. Dans les nuages, dans les nuages. Reverrons-nous Paris sous la neige. Reverrons-nous le coup de tonnerre. Reverrons-nous l'appartement vide. La lumière qui passait par là. Reverrons-nous les neiges éternelles. Reverrons-nous la même étincelle. Reverrons-nous le caillou que j'ai lancé au bout de la jetée. La jetée. Tu joues du piano droit, et moi, je joue de la prunelle. J'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano, des noires et des blanches, et moi, tu joues sur ton piano, des noires et des blanches, et moi je joue des hanches, j'en joue, c'est fou, des hanches. Il joue du cor anglais, toi tu joues du banjo, et moi, moi je joue contre joue, je joue, c'est fou, contre vous. Il joue à qui perd gagne, tu joues au plus fortiche. Et moi, moi, je m'en fous, je triche, m'en fiche, c'est fou, je triche. Un après-midi à Paris, que je garde près de moi. comme un jour où chaque seconde dure toute une vie. Une vie douce. C'est un roulement tambour qui me rappelle à ce jour tous ces bruits qui résonnent ton corps comme tombe la nuit, tombe la nuit douce. Pour un après-midi à Paris, Paris. L'éducation anglaise, c'est pas du cinéma. L'amour à la française, c'est plus délicat. Mais est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Faut-il tant de fracas? De remue-ménage, un déjeuner sur l'herbe, cela ne vous dit pas. L'éducation anglaise, c'est bien mieux comme ça. Nouvelle chanson. Dis-moi quelque chose avant de dormir, quelque chose que tu n'oses dire. Le jour est si loin. Dis-moi quelque chose avant de partir, quelque chose pour me retenir. Le jour est si loin. Toutes tes promesses d'avenir, ce ne sont que des souvenirs. Le jour est si loin. Vers quel étrange pays la nuit va m'emmener? Contre quel ennemi vais-je devoir lutter? En reviendrai-je un jour? Quelque chose avant de dormir, quelque chose que tu n'oses dire.

chanson d'Henri Salvador. J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Comme si nous n'étions jamais revenus de ce Noël à Copenhague. Je ne sais quoi qui m'impressionne dans vos nos yeux. Il y a je ne sais quoi qui carillonne quand je le veux. Il y a je ne sais quoi dans votre voix de dangereux. Ah, si vous m'aimiez un peu. Jenny Sanders. On est voir des I love so. C'est ta cause de vous. J'habite la Vendée, enfin, je viens de Vendée, donc je suis à Bruxelles, je vais vous chanter une chanson vendéenne pour finir. Du patois vendéen. Je traduis après le concert pour ceux qui veulent. Je vais prendre le micro, non? On se met debout pour fin de banquet, quoi. Quand l'étion june, l'étion banaise, rintent les dus dans notre maison, un petit buffet pitré quatre chaises. Est au bala tout notre bain. Mais au jour d'un oeil, tout en bain changeait. Tout au june, nous ont d'eau manière, tout pot de vin, d'amelon c'est barin. Un peu plus, nous faudrait d'eau bonnière pour entrer dans Tchio cru de mes âmes. Ah, merci.